Ouais, c'est Hannibal avec Bellas. Viens dans mon subconscient, viens dans la street tape. Street tape 2006-2008. Rapado. Rapado. Kiki. Hein. Viens. Viens dans mon subconscient. Viens, viens, viens. Viens. Hannibal. Street tape. Enfermé dans mon subconscient, je suis sous tension, je bois ma tristesse, car l'ivresse et ma défonce. En excès de vitesse, je prends des forces. À force, je m'efforce d'arriver en force. Comme la TMD dans une ville à Corse. Le BPM, je te traduis en morse. Écoute le morceau, j'écoute la sueur de mes torsos. Viens en source, parce que je suis inspiré par le processus. Je suis inspiré sur la table, j'ai imposé mon phallus. J'hallucine, je suis envoûté par la scène. La somme, est-ce que la vie t'enseigne? J'ai tellement d'envie que j'enseigne. J'en sais rien, j'ai rien que mon vocabulaire. Mes cordes vocales et mon air patibulaire. Ma particularité, c'est que j'articule mon article par particule. Le pire et le meilleur, j'ai tout mérité. J'approuve les épreuves de la vie avec témérité. Viens dans mon subconscient, viens dans ma science. Viens dans mon inconscient, là où la rage est omniscient. Viens dans mon subconscient, là où les corps sont meurtris. Là où les cœurs meurent sans patrie. Viens, viens dans mon subconscient. Ouvre tes yeux, fils, et vois la profondeur de mon édifice. Vas-y, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens dans mon subconscient. Son amour est héréditaire. Regarde le constat dans cette ville dortoir. Les mères s'inquiètent parce qu'on dort tard. On rêve dans ce bar, on fout de tel bar dans ce bar. Dans ce décor, BLS prod, viens péter le score. Je pars dans mon côté obscur, je fais pas le casting des séries B ou de votre armature. J'ai l'armature, alors pose ton arme à terre. Désolé mère, c'est l'art de l'art de m'attire. Elle m'a dit tire sur mon moinge. Moi monsieur l'âge en l'argent. Se gagne par la force ou sagement sage, m'en fous de faire vibrer la foule. Avec un fou d'un cagoule, moi tout passe sous mes roues. Certains croient encore que Tupac est sous les verrous. Avocat véreux, commis d'office. La même sentence dans un palais de justice. La même ambiance dans un comico de police. Les mêmes vengeances si tu touches à ma vie d'artiste. Viens dans mon subconscient, viens dans ma science. Viens dans mon inconscient, là où la rage est omniscient. Viens dans mon subconscient, là où les corps sont meurtris. Là où les cœurs meurent sans patrie. Viens, viens dans mon subconscient. Ouvre tes yeux fils, et vois la profondeur de mon édifice. Vas-y viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens dans mon subconscient.